mes chagrins for me, don't be radical. Minerve, minerve, poé. Baby, come, let's make it magical. Left foot, right foot, blow. C'est pas fini, je veux voir mes quotas. Vas-y DJ, tu peux lancer Inga. Daka, eh, c'est ça. Daka, eh, j'suis des dames. On va cause ça, Joka win Joka. Vas-y, suis-moi, fais pédaler, pédaler. J'suis dans le domo, le follow, le follow. Mais si tu veux penta, hello. Il lose my layer, oui, follow, le follow. Et si tu veux penta, hello. Si c'est si, ça, y'en a mon game, la la la la la la. On va chiller, oui, hello. Les petits à gogo, c'est un dealer. On s'y plaît là-bas, hello, my hero. Cards.